Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire des enfants sourds à l'école québécoise. Je m'occupe des sourds-muets depuis 1925. Et j'ai toujours enseigné aux sourds-muets. En général, nous recevons les élèves vers l'âge de 8 ans ou 9 ans. L'enfant qui a passé 7-8 ans dans sa famille a été absolument sans instruction. Et quand il arrive ici, à 8 ans ou 9 ans, alors nous devons brûler les étapes pour gagner le temps perdu. Le père Lucien Pagé, de l'Institut des sourds-muets de Charlebourg en 1961, le père Pagé compte parmi ces religieux qui ont consacré une partie de leur vie à l'éducation des enfants sourds. Dès le 19e siècle, on crée des écoles pour enfants sourds au Québec et une école comme l'Institut des sourds-muets de Montréal va devenir au fil du temps une sorte de référence en matière d'éducation des enfants sourds en Amérique du Nord. C'est gros, fait que moi, je disais à mes amis, va, je m'en vais à l'école à Montréal, je suis toute fière. Quand j'arrivais, non. Ma mère, elle a préparé une grosse mère. C'était tout marqué que si on avait besoin, comment s'habiller. Puis même, elle a fait du linge pour ma poupée. Oh, ouais. Puis elle avait une valise pour ma poupée. Parce que ma mère, elle avait tellement de peine, là. Elle disait, au moins, elle serait pas toute seule avec sa poupée. Puis moi, là, j'adore les poupées. Fait que quand j'arrivais au couvent, j'ai eu un choc. C'est tellement gros. Pour une petite fille de 7 ans et demi, j'avais jamais vu ça. Fait qu'on a visité le dortoir. Il y avait beaucoup de lits. C'est comme une centaine à peu près. J'avais compris que j'allais rester là, puis je voulais plus rester là. Je voulais plus. Mais maman, elle n'avait pas le choix, parce que j'avais de la misère à l'école, j'étais pas capable. Avec les attendants, j'étais pas capable. Extrait du très beau documentaire « Femmes sourdes, dites-moi », un documentaire dans lequel la réalisatrice Marie-Andrée Boivin donne la parole à des femmes sourdes qui ont fréquenté l'Institut des sourdes-muettes de Montréal, dirigé par les Sœurs de la Providence. C'est le témoignage de Linda Ouellette que vous entendiez dans cet extrait. Et pour nous raconter cette histoire méconnue, la scolarisation des enfants sourds au Québec, je reçois l'historienne, historienne vulgarisatrice, c'est comme ça qu'elle aime qu'on l'appelle, Myriam Wojcik. Myriam Wojcik, bonjour. Bonjour. Historienne en chef également des émissions MTL et Québec, présenté à Télé-Québec. S'intéresser à cette histoire-là, Myriam Wojcik, c'est de se ramener au rapport qu'on a longtemps eu. C'est plus que de raconter simplement l'histoire d'instituts qui enseignaient aux sourds-muets, c'est de voir où on était comme société par rapport à cette réalité-là. Tellement la perception qu'on a eue de la surdité qui a tellement évolué au fil du temps. Si on regarde aujourd'hui, les enfants sourds sont intégrés dans des écoles avec des entendants. Pour plusieurs d'entre eux, il y a certains aussi qui sont dans des écoles spécialisées, mais pendant très, très, très longtemps, les sourds étaient isolés. Ouais. Il y avait vraiment de l'isolement profond et la perception des sourds a tellement évolué. Pendant longtemps, on considérait que les sourds, c'était des idiots, qu'ils n'avaient pas de conscience, que c'était un châtiment de Dieu, qu'on rapprochait d'être primitif. Et c'est à partir de l'époque des Lumières et au 19e siècle qu'on va se dire, ben, pour qu'ils aient une conscience, il faut qu'on les éduque. Et ouais. Ils sont rééducables. Et donc, ces institutions vont jouer un rôle très, très important pour les sortir de l'isolement. Et chez nous, ces premières institutions qui vont essayer de les éduquer et de les sortir de l'isolement, elles apparaissent quand au Québec? Elles apparaissent en 1831. Donc, la première institution est créée, fondée à Québec, donc à Québec. C'est Ronald McDonald, c'était son nom. Il ouvre, c'est un laïc anglophone qui ouvre une institution catholique mixte. Et puis, il faut attendre ensuite 12 ans pour que soit créée une institution pérenne, donc celle-là à Montréal. C'est l'institution des sourds muets, parce que je dois le préciser, on était obsédé par la mutité. La mutité, le fait de parler, on se disait que c'était le symbole de la pensée, c'était la parole. Donc, on voulait faire parler les sourds. Et donc, toutes les institutions, que ce soit pour les filles ou pour les garçons, elles vont toutes avoir le mot « muet » dans leur nom. Oui. En 1851, donc, ouvre l'institution pour sourdes muettes. Et puis, il y aura ensuite un institut pour les enfants protestants en 1870. Et qu'est-ce qui fait que ces écoles, ces institutions apparaissent à ce moment-là? Dans quel contexte on décide de créer ces institutions-là? En fait, au moment où elles sont fondées, donc 1848-1851, celui qui est à la tête du diocèse de Montréal, c'est l'évêque de Montréal, c'est Mgr Bourget. Donc, on est à une époque de renouveau religieux. Et pour Mgr Bourget, c'est très important d'assurer l'encadrement de la population générale, mais particulièrement des populations en marge. Donc, on pense aux sourds, on pense aux aveugles, on pense aux pauvres, aux mères monoparentales également. Et donc, il va fonder toutes sortes de communautés religieuses, par exemple, les Sœurs de la Providence, hein, qui vont avoir l'institution des sourdes muettes, il la fonde avec Émilie Gamelin. Entre autres, les clercs de Saint-Viateur, c'est lui qui les fait venir de France et c'est lui qui va leur demander de prendre en charge l'éducation des garçons sourds. Et puis, il y aura aussi des préoccupations. Il faut pas passer à côté. Économique également. Tout à fait. Absolument. On était à l'époque de la Révolution industrielle, le tout début de la Révolution industrielle, et on pensait à ce moment-là que les sourds pouvaient... travailler, donc qu'ils allaient faire partie de la force de travail du cheap labor dont on avait besoin pour nourrir cette machine-là. Alors, à Montréal, il y aura deux institutions, celle qui s'occupe des filles, on y reviendra dans un instant, et celle qui s'occupe des garçons. L'école pour garçons est fondée en 1848. Il y a deux grandes figures importantes, incontournables, quand on parle de l'Institut des sourds muets de Montréal. On ne peut pas passer à côté de ces deux figures-là. Parlez-nous un petit peu d'eux, l'abbé Irénée Lagorce et Jean-Marie-Joseph Young. Oui, alors l'abbé Irénée Lagorce, il est curé à Saint-Charles-sur-Richelieu, donc il est l'initiateur du projet avec Mgr Bourget. Et lui, il va aller à ce moment-là, évidemment, il n'y a pas de formation pour les enseignants qui enseignent aux communautés sourdes. Donc, il faut nécessairement aller se former à l'extérieur. Irénée Lagorce va aller se former en France et il va faire des contacts également. Et il va y avoir Jean-Marie-Joseph Young, qui, lui, est un professeur à Lyon, qui est sourd, qui va intégrer la communauté des clercs de Saint-Viateur. Et Mgr Bourget le convainc d'immigrer au Québec pour aller enseigner à cette institution. Et il va devenir l'âme de l'Institution des sourds muets pendant 50 ans. Il va enseigner les dimanches également, autant aux petits garçons qu'aux filles sourdes, la langue des signes. Ouais. Et du côté des jeunes filles, vous le disiez un peu plus tôt, Myriam Wojcik, c'est en 1851 qu'est fondé l'Institut des sourds muettes de Montréal, qui va, au fil du temps, je le signalais au tout début de l'émission, mais vraiment se construire une très, très bonne réputation. On écoute à ce propos l'historien Jean-François Nadeau en parlait à l'émission le 15-18 en avril 2018. Alors, on va créer un grand institut, l'Institut des sourdes muettes, patronné par ces religieuses qui vont aller se former aux États-Unis, en partie, en Europe aussi, pour essayer d'offrir des soins. C'est les services sociaux avant la lettre. Il y a des centaines, des milliers de jeunes filles de partout au Canada, des États-Unis aussi, qui vont s'installer ici, qui vont bénéficier de divers soins, différents programmes. Bien sûr, on dira sans doute à raison que c'est l'univers un peu fermé, voué à la chose religieuse en bonne partie qui prédomine. C'est vrai, mais dans un système où il n'y a rien d'autre, c'est quand même un avancement social considérable. Alors, parlez-nous de l'histoire de l'Institut des sourds muettes, Myriam Wojcik. Et s'intéresser à cet institut-là, c'est forcément s'intéresser à une famille en particulier. C'est assez intéressant. Elles seront plusieurs sœurs dans le coup, la famille Gadebois. Oui, et je suis tellement contente d'en parler parce qu'elle est vraiment peu connue, cette famille. C'est assez extraordinaire. C'est une famille riche qui vivait à Belle-Oeil, donc au bord de la rivière Richelieu. Ils avaient un vaste domaine là-bas. Et les parents Gadebois avaient 8 enfants, dont 7 filles. Et les 7 filles filles vont entrer les unes après les autres en religion. Il paraît que le monsieur Gadebois était désespéré à la fin. Il dit, qui va prendre soin de nous? Bon. Et puis, sur les 7 filles en question, il y en a 5 qui vont devenir sœurs de la Providence et qui vont entrer à l'institution des sourdes-muettes, dont Albine Gadebois. Albine Gadebois, qui va être la fondatrice de l'Institution pour sourdes-muettes. Et la famille Gadebois va avoir un rôle à jouer également dans le financement de l'œuvre. Hein. Je veux que ce soit clair parce que l'État ne finançait que très, très peu ces institutions-là. Ouais. Donc, on avait besoin d'argent, de mécènes, comme la famille Gadebois, et c'est eux qui vont littéralement, pendant les premières années, sauver cette œuvre-là. Ils vont donner également le domaine familial. Ils vont le donner pour que ça devienne un camp d'été pour accueillir les filles sourdes à Belœil et les religieuses également. Et développer une vraie expertise, ces sœurs Gadebois, certaines d'entre elles vont... On part de rien à cette époque-là. Vont chercher à apprendre comment éduquer cette clientèle-là. Vont aller quoi, aux États-Unis, ouais. En Europe? Comme le disait Jean-François Nadeau, tout à fait. C'est autant les sœurs Gadebois que du côté des clercs de Saint-Viateur, ils vont se rendre aux États-Unis hein, pendant au moins un an. Les sœurs Gadebois s'en vont aux États-Unis du côté de New York. On part également en Europe. Et on veut se former, apprendre à enseigner à la communauté sourde. Et c'est toute la réputation de l'ISM qui va également traverser les frontières. Il en glissait un mot également, Jean-François, mais dans les registres des sœurs de la Providence, il y a des noms de petites filles qui venaient d'aussi loin que l'Iowa, du Dakota, parce qu'il y avait des cours, peut-être pas dans les premières années, mais des cours qui vont être donnés également en anglais. Oui. Il y a dans cette histoire de la scolarisation des sourds une charnière, une date importante qui nous amène au congrès de Milan en 1880, congrès sur l'éducation des sourds. De quelle façon et pourquoi ce congrès-là est déterminant? C'est peut-être l'événement le plus important dans l'histoire de la communauté sourde. Pourquoi? Parce qu'il y avait un avant et il y a eu un après-congrès de Milan. Pendant très, très longtemps, il y avait deux méthodes qui prévalaient, deux méthodes d'enseignement. Il y a des gens qui préconisaient l'oralisme, donc on voulait apprendre ou obliger les enfants sourds à parler, à communiquer verbalement, oralement. Alexander Graham Bell, l'inventeur du téléphone, lui-même était un fervent partisan de l'oralisme. Il a fondé des écoles avec cette méthode-là aux États-Unis, lui dont la femme et la mère étaient sourdes. Et de l'autre côté, il y avait des gens comme l'abbé de l'Épée, hein, qui était ce grand maître à penser qui avait fondé la première institution publique pour les sourds au monde, donc en France, qui lui se disait... Le plus important, c'est que les personnes sourdes puissent communiquer, peu importe la façon, et le langage le plus naturel, c'est la langue des signes. Oui. Donc, lui était un partisan du bilinguisme, les gens aux États-Unis qui fondent la première école également à Hartford en 1817. Après le congrès, c'est l'oralisme, le débat est clos. On dit, c'est l'oralisme qui prend le dessus, on doit bannir la langue des signes. Or, à ce congrès-là, sur 140 participants, combien y avait-il de sourds invités? Un. Alors, 139 entendants ont décidé de la suite des choses et ça va avoir une incidence extrêmement importante partout dans le monde. Des enseignants sourds aux États-Unis vont perdre leur emploi et du côté du Québec, pendant 100 ans, l'oralisme va prévaloir. Ouais. Et donc, la langue des signes, on va continuer à l'enseigner, mais seulement aux fillettes, par exemple, qui étaient jugées trop sévèrement atteintes, donc qui ne pouvaient pas ouais. prononcer des mots. On va par exemple, continuer à communiquer avec la langue des signes, à signer en cachette. Donc, elle va se préserver. Donc, cette obsession dont vous parliez un peu plus tôt, des gens qui parlent de vouloir absolument faire sortir des paroles de la bouche des sourds et des muets. Hein, à l'époque, oui. Voilà. On ne peut pas faire cette histoire des écoles pour sourds au Québec sans parler d'un cas précis, celui de Ludivine Lachance. À nouveau, Jean-François Nadeau, au 15-18, en 2018. On est à la toute fin du 19e siècle. Une jeune fille sourde, muette, qui vient de Saint-Gédéon-de-Beauce, qui a été amenée presque de force à Montréal en train par des religieuses qui sont bien intentionnées pourtant, mais qui doivent faire face à une jeune fille qui crie, qui les griffe, qui n'a rien à faire. Elle est sourde, muette depuis qu'elle a 3 ou 4 ans. Enfin, on ne sait pas exactement l'âge. Ses parents l'ont conservée dans un... conservée, c'est le cas de le dire, presque comme une marchandise froide, dans un réduit attenant à la cuisine. Là-bas, ce sont des prêtres qui, à force de pourparler avec la famille, avec le père en particulier, puisqu'il a la main mise sur la famille, réussissent à l'arracher littéralement à sa famille pour la confier aux sœurs de la Providence, hein, les sœurs mises en branle par Mère Gamelin, Émilie Tavernier de son vrai nom, qui vont s'intéresser, à partir du milieu du 19e siècle, aux soins qu'on peut prodiguer à ces milliers de jeunes filles au Canada, mais aussi aux États-Unis, qui sont sourdes, muettes ou qui sont affectées de problèmes de ce type-là qui les rendent hors de la société. Alors, en quoi et pourquoi le cas de Lydivine Lachance est-il si intéressant, Myriam Wojcik? C'est un cas extrêmement intéressant parce que c'est l'exemple même de la misère, de l'isolement et de la détresse dans laquelle ont vécu de nombreux sourds avant d'être pris en charge par les institutions religieuses. Et je dois préciser que Ludivine Lachance était non seulement sourde et muette, mais elle était également aveugle. Oui. Donc, c'était une véritable vie de misère. Et il faut dire une chose, c'est que les sœurs de la Providence vont littéralement vouloir la sauver, Ludivine Lachance. Et c'est un cas qui déjà frappait l'imaginaire à travers le monde, parce que ici on a eu Ludivine Lachance, mais vous avez sûrement entendu parler d'Hélène Keller aux États-Unis. Ouais. Il y a eu Marie Hurtin également, donc des femmes qui étaient sourdes, aveugles et muettes, dont on a tiré des ouvrages. Hélène Keller a publié sa propre autobiographie. Et donc, les Sœurs de la Providence s'étaient préparées à sa venue à Ludivine Lachance. Elle arrive en 1911 et ils vont littéralement la rééduquer. Comme elle était dans un réduit, elle ne pouvait pas, elle était dans l'obscurité totale. Elle avait de la difficulté à marcher. Évidemment, elle ne pouvait pas communiquer. Elle criait, elle hurlait, elle poussait des cris parce qu'elle n'était pas capable. Elle avait cette frustration-là. Ouais. Et les sœurs vont vraiment la sauver. Et elle va devenir une célébrité, Ludivine Lachance, un petit peu comme Marie Hurtin et Hélène Keller, parce qu'il y a un livre qui va être publié sur elle par une ancienne élève de l'Institution des sourdes muettes qui s'appelait Corinne Rochelot, qui va publier ça en 1927, et l'année suivante, elle remporte un prix de l'Académie française, hein, le prix de la langue française. Et Ludivine Lachance va être visitée par de nombreuses personnes au fil du temps, au fil des 7 ans où elle va vivre là. Donc, 5448 visiteurs, dont Thérèse Forget. Ouais. Elle était toute jeune à ce moment-là. Et elle meurt en 1918 à 23 ans. Un petit mot sur le quotidien de ces filles, de ces garçons qui fréquentent l'École des sourds, parce que ça aussi, ça nous en dit beaucoup sur l'époque. Absolument. D'abord, c'est un milieu de vie. Hein, ces institutions-là, ce ne sont pas juste des écoles, ce sont des pensionnats. Les gens viennent des campagnes, donc pour la plupart, d'endroits assez éloignés. Donc, ils doivent être sur place les fins de semaine, souvent pendant les vacances de Noël, même pendant l'été. Et les filles et les garçons n'avaient pas nécessairement la même scolarité. Donc, on enseignait évidemment l'orthographe, la grammaire, la religion aux garçons et aux filles. Mais là où ça va être différent, c'est que les filles, l'objectif, après leur sortie, c'est qu'elles deviennent de bonnes épouses, ouais, et de bonnes mères. Donc, elles doivent apprendre le tricot, elles doivent apprendre la broderie, alors que les garçons, eux, ils doivent apprendre un métier. Donc, ce qu'on va faire, c'est que les garçons, les clercs de Saint-Viateur, vont avoir des ateliers auxquels vont participer des élèves et aussi d'anciens élèves sourds. Et ça va devenir de véritables entreprises. Donc, ouais, elles n'auront pas juste une vocation religieuse, mais une vocation économique également. Et je vous donne l'exemple de l'atelier de l'imprimerie. Saviez-vous qu'au 20e siècle, pendant de nombreuses années, ceux qui publiaient les manuels scolaires, c'était des enfants sourds. Et ils étaient moins bien payés que les employés entendants. Ce qui fait qu'il y a des imprimeurs de la ville de Montréal qui vont porter plainte pour concurrence déloyale, ouais, dans les années 30. Et ça va être la même chose à partir des années 40-50, suite à la guerre, la fonction publique qui devient de plus en plus importante et l'atelier de tôlerie qui fabrique du mobilier de bureau en métal pour le gouvernement fédéral. C'était fait par des enfants sourds. Évidemment, avec l'arrivée de la Révolution tranquille, à partir des années 60, cette scolarisation des sourds, les sourds vont être intégrés. C'est la grande Révolution tranquille, donc tout le système système d'éducation. Le système d'éducation moderne naît à ce moment-là et les sourds seront intégrés au système d'éducation québécois normal, standard, si je puis dire. On ne peut pas, évidemment, terminer cette émission, Miriam Wojcik, sans parler de ces cas d'agression sexuelle qui ont aussi eu lieu pendant toutes ces années à ces instituts, à certains de ces instituts pour sourds. À nouveau, un extrait de l'émission le 15-18, animé par Annie Desrochers. Les clercs de Saint-Viateur vont devoir verser 20 millions de dollars aux victimes. Monsieur Carlo Tarini, directeur des communications de l'Association de victimes de prêtres, expliquez-moi comment les victimes, comment leurs proches accueillent cette entente-là. Bien, ils sont très heureux. Évidemment, c'est une victoire importante. Il n'y a rien de plus difficile pour une victime de raconter ce qu'elle a vécu. Et dans le cadre d'un procès, bien, il devrait y avoir des témoignages. Alors, c'est très difficile. C'est un défi pour des gens très solides. Et c'est une clientèle particulièrement vulnérable. Vous l'avez dit, c'était des enfants sourds-muets. Aujourd'hui, ce sont des adultes qui sont parfois, qui ont été détruits, qui ont eu des problèmes de santé mentale suite à ces abus, qui ont souffert de la dépression, qui ont parfois même attenté à leur vie. Vous savez, il y a un taux d'alcoolisme et d'usage de consommation de la drogue particulièrement élevé parmi des gens qui ont été abusés. C'est particulièrement sordide et c'est une séquelle. Il y a eu des gestes très graves, très sévères qui ont été posés avec des grandes séquelles pour cette population d'enfants qui était âgé de 8 à 16 ans dans le temps. Et au lieu de leur donner une éducation, au lieu de les aider dans la vie, on leur a nui. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une somme, il n'y a pas un chèque avec suffisamment de zéro dessus pour indemniser une personne qui a subi ça. Mais au moins, ça leur laisse la chance de se rétablir, peut-être d'accéder à de la thérapie. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est vraiment la grande tâche dans cette histoire de la scolarisation des sourds au Québec. Oui, il y a eu une entente à l'amiable, il parlait de 20 millions, ça c'était en 2015. Il faut dire que les clercs de Saint-Viateur ont donné 20 millions, l'Institut Raymond Dewar, le Centre en déficience auditive, Centre de réadaptation, a aussi donné 10 millions pour une somme totale de 30 millions. Et c'est d'une infinie tristesse parce que ces gens-là ont abusé de la vulnérabilité de ces enfants-là qui provenaient souvent des campagnes du Québec, donc qui étaient à la merci de ces gens-là. Cela dit, je voudrais aussi mentionner qu'on ne peut pas passer sous silence le fait que ces institutions ont fait naître, il y a eu une éclosion de l'identité sourde. Mm-hmm. Et ça, d'une culture sourde, et ça, c'est très important à mentionner, il y a des journaux sourds qui ont fait leur apparition. Il y a eu une association d'anciens élèves également qui a organisé des activités spéciales. Il y a eu de l'entraide. Donc, ça aussi, c'est important de le mentionner. Et de là, l'importance également de préserver un bâtiment comme l'édifice de l'Institution des sourdes muettes qui se trouve sur la rue Saint-Denis, qui aujourd'hui est presque vacant. Et le ministère de la Culture avait dit que, bon, l'architecture n'était pas suffisamment intéressante pour qu'on puisse le préserver. Mais c'est plus que ça. C'est plus que de l'architecture, cette institution-là. C'est du patrimoine bâti, mais qui exprime toute une page de notre patrimoine, de la façon dont on s'est occupé de l'éducation des sourds. Miriam Wojcik, c'était passionnant et fascinant de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Historienne en chef pour les séries NTL et Québec. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.